93 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Et vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations et les arts dans les villes jumelles, KFAI 90.3 FM pour Minneapolis et 106.7 FM pour Saint-Paul, la radio sans frontières. Bonsoir, Carrie. Oh, bonsoir, Louise. Comment ça va? C'est bien de te revoir. Oh, oui, je suis lancée, là, maintenant. Bon. This is Bonjour Minnesota. I'm Carol. Louise, in case you wonder. We are expecting some guests this evening. We'll announce them as they come in. Mm-hmm. And we'll start the music off. Alors, right on commence. On commence tout de suite. J'annonce avec les deux chansons, là. Oui. Alors, on commence avec notre cher Maurice Chevalier, qui va vous chanter Mon vieux Paris, et Édith Piaf, Un homme comme les autres. Parmi toutes les cités, pour fêter, papoter, le monde entier est d'accord, il t'admire, te désire. Alors, moi, simplement, puisque je t'aime autrement, veux-tu me laisser te dire, oh Paris, Paris, Paris, on t'a chanté sans répit. Oh Paris, Paris, Paris, sur ton charme, on a tout dit. Aucune ville au monde n'a des attraits, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime ainsi. Te dis, ah, ce que je retrouve en toi, ce qu'en ton ciel je revois. Ce qui cause mon émoi, mieux que les palais de terre, quoi. C'est le petit Nice, simple et gentil, où j'ai tout appris. Oh, Paris, Paris, Paris, mon bon vieux de comme ça, un homme c'est rien. Mais pour peu qu'il vous intéresse, ça tient de la place, près nom d'un chien. Celui pour qui j'ai des faiblesses n'est pas tellement joli garçon, mais il ressemble à ma chanson. Un homme comme les autres, un homme parmi tant d'autres, et pourtant personne n'a sa voix. personne n'a ses yeux. Quand je l'aperçois, j'en ai plein les yeux. Et je l'aime, un homme comme les autres, un homme parmi tant d'autres. Et pourtant, nous avons des nuits toutes remplies d'amour, serrées contre lui jusqu'au petit jour où l'on s'aime, un homme comme les autres, un homme parmi tant d'autres. Voilà des mois qu'il est parti. Les gens m'ont dit, on s'en console. Probable qu'ils avaient menti. J'ai l'impression que je deviens folle. Jamais, jamais, je ne l'oublierai. Jusqu'à la fin, je l'attendrai. Un homme comme les autres. Un homme parmi tant d'autres. Et pourtant, en fermant les yeux, je revois soudain, quand dans mes cheveux il glissait ses mains. Et je l'aime, un homme comme les autres. Un homme parmi tant d'autres. Et pourtant, dans mes souvenirs, je nous vois danser. Je vais me blottir, lui va m'emporter. Et je l'aime. C'est une histoire triste. Ouh là là, on commence bien, hein, oh notre, oui. Notre bonjour Minnesota. Oh boy, don't you, you know, Carrie, you do a darn good job at choosing songs. Well, thank and you why is it that it's always something that I've never heard? I thought I knew them all. I know. I never heard the chanson of Maurice Chevalier, no? My Old Paris. My Old Paris was I'd never heard. No, what year was that? You and know? Then Edith Piaf sang, "A man like the others, and he's just like another man, so many of them alike." But. And we find out that he's left her. Yeah, but I don't care. She doesn't care. No. She's still waiting for him, and she closes her eyes and remembers how they made love all night. Whew! Until early morning, and he was so terrific. He must have been something, even though he was a man like the others, huh? I think that was later in her career because there was quite a big orchestra. Yeah, you don't have the year on the CD there, huh? Mm-hmm. No, doesn't show what year it was. No, not on this. About Maurice Chevalier's Mon Vieux Paris, was that old? Can you tell? I can't tell. Oh, well, people don't care. I'm just asking. Okay. Oh, we're starting really with a... Est-ce que tu veux écouter... Une seule ou trois à la fois? Bah, c'est comme tu veux, c'est toi la patronne. Hein? Oh, ben vas-y. Alors Jean Gabin, tout seul, et puis après, hein? Oui, d'accord. Au cas où nos invités arriveraient. Mm-hmm. Alors Jean Gabin, quand on se promène au bord de l'eau. Il n'était pas tellement connu comme chanteur. Non, mais acteur. Surtout comme acteur. Acteur, oui. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère,

Well, we'll continue with our music for a few minutes. Well, we've had one of our guests, Mr. Pierce McNally, who arrived waiting for the second one. Yeah. Christine Luis, who has been in all the papers lately and is about to present a film preview of, well, she was our guest here a year or so ago. She's making a film of Minnesota French heritage in Minnesota, and the film will be called En Avant. Yeah, what is the date again? You have the flyer there, don't you? La date, c'est bientôt. That's le 11, quoi? Octobre. Le 11 octobre. Oh, mais c'est bientôt. C'est bientôt, hein? C'est bientôt. On est déjà le 1er octobre. C'est pas croyable, ma parole, non? Non. Où est-ce que le temps passe? Non, ça va être le 11 octobre, vendredi, à 5h30, heure américaine, au Ritz Theater, 345 13e Avenue Nord-East. That's October 11th, 5:30 at the Ritz Theater, 345 13th Avenue Northeast in Minneapolis, that there will be a red carpet film debut of this new film, that you will get a first glance of what's coming. Hmm. It should be absolutely marvelous because they have some fantastic people. Oh, yeah, and, sounds great. Brandenburg, he's going to be in it, isn't he, Pierce? Indeed he is, yes. Director of photography? Director of photography, yes. Mm-hmm. And how are you involved with the movie then? I am a friend of the project. Ah. I have been providing whatever assistance that I can provide and introductions to people that might be helpful. You're important because, you know, when you want to launch something like that, you need a friend. Huh? You do. You need somebody who can open doors for you and knows the lay of the land. Christine is a very wonderful woman. She attracts friends and interests. I'm anxious to meet her because when you interviewed her before, I wasn't here with you. You were with Olaf. Besides the people mentioned, there's going to be Mark Ritchie, Secretary of State. Uh-huh. And he's going to be at this event on October 11th. Barbara Johnson, President of the City Council of Minneapolis. Professor Thomas Wolfe of the U of M. Will Steger, polar explorer. Oh, yeah. Francine Roche, singer from Quebec. Yeah. And the talents, the crew, the friends, the supporters and sponsors. What day of the week is that? That's Friday. It's a Friday? Friday, October 11th at 5:30 p.m. at the Ritz Theater, 345 13th Avenue Northeast. Is that right off of Central? It is, right off Central. Mm-hmm. So you just go straight up Central and you'll right you'll off Central, see, and you'll see it next to the 331. And then after that, will it be shown? Next to the Modern Cafe. Oh, next to the Modern Cafe. Next to the Northeast Social Club. Okay. Is it going to be shown after that for a week or two or what? No, this is just the beginning. This is the trailer. Ah! It's going to be shown. Mm-hmm. Oh, this is an unfinished work, and you will see the most recent cut of the film. That's correct. So you will see that it should while be it's interesting, growing. Huh? Yes, it should. It's a work in progress. Alors, un peu de musique. Oui, on continue. Oui. Alors, j'annonce. Oui. Carla Bruni. Deux chansons de Carla Bruni. Tu es ma CAM, qu'est-ce que ça veut dire, ma CAM? C-A-M-E. Hein? Moi, je ne peux pas inventer, hein, si je comprends. On va voir. Et la deuxième chanson, c'est « Salut, marin ». Tu es ma CAM, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam, j'aime tes yeux. tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam, plus mortelle que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam. À toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam. Quand tu pars, c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam. Je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes. Tu es ma cam. are. Here we are again. We have just finished two songs by Carla Bruni, Tu es ma cam. And alors, qu'est-ce que ça veut dire, ma cam? Qu'est-ce que c'est? We have c'est, tu es ma drogue. Maintenant, voyez, maintenant, on sait. Let's see, we have a microphone for our guest that just arrived. Oh, now we know. Welcome. You're my drug. That's what she said. Oh, la la. Ooh, are we going to be beep? Oh, our last song by Carla Bruni is Salut Marin. Hello, yeah. Sailor. Yeah. She's got that kind of a, you know, smoky, sexy voice. And yeah. I like her singing. I think she has a nice voice. Well, yeah, there's something. I don't know. You heard her too much, maybe. Some people don't like her. Well, we welcome you, Christine. Thank you very much. Are you right in front of the mic there? The mic, let's see, that's there. There's Speak another right one. Into it, please. And, on a chacun les nôtres. There. Okay, one for each. There. Oui, il y en a assez pour vous deux. Okay. Just speak nice and speak up, please. Oui, bonjour. Oui, Carla Bruni, je la connais mieux comme femme de président ou comme groupie de tous les chanteurs de rock du monde entier, plutôt que comme chanteuse elle-même. Oui. Mais bon. On n'est pas enregistré, là, si On n'est pas enregistré. C'est entre nous, là. Non, ah, oui, c'est oui. entre nous. Sauf que nous avons des millions de d'auditeurs. Alors, bienvenue, Christine Loïs, qui était sur Bonjour Minnesota il y a un an, c'était Christine. C'était il y a un an, probablement, oui. Et oui, vous faites énormément de progrès avec les films, je vois. Ah, ouais, il faut, hein. Oh là là, félicitations. Mais je pourrais y passer toute ma vie, parce que c'est un sujet tellement riche. Oui, exactement. Qu'on n'a jamais fini, si on veut. Et qu'est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est l'héritage français du Minnesota. Voilà. Donc, en fait, la vraie question du documentaire, c'est est-ce que les racines de l'héritage français sont encore vivantes ou est-ce que c'est une affaire complètement terminée du passé? Bonne question. Bonne question. Oui et non. Il reste des traces dans tous les noms des rues de la ville. Et les lacs. Et les lacs et les rivières. Et... Oui. Il y a beaucoup de traces visibles, mais exactement. Est-ce que c'est encore vivant ou est-ce que c'est quelque chose de figé qui vient du passé? C'est ça qu'il faut... C'est ça la question. Oui, malheureusement, je crois que c'est peut-être... parce que moi, j'ai vécu longtemps dans une banlieue de Saint-Paul qui est de White Bear, vous connaissez? Mm-hmm. Oui. Et White Bear, Hugo, Centerville, Little Canada, tout ça, il y a beaucoup de noms français et ils ne savent pas nécessairement. Ils savent qu'ils ont des origines françaises, mais autrement, ils sont... Ils ne parlent plus français. Oh non, pas du tout, du tout, non. C'est non. Ça. Mm-hmm. Oui. Oui. Ben, ça fait... Quand est-ce que les voyageurs sont ici dans le... Donc, deuxième question, est-ce que la culture va nécessairement avec la langue ou pas? Est-ce qu'on peut avoir des restes de culture française? Est-ce qu'on peut avoir une culture avec des traces françaises, même si on ne parle pas la langue? Ou est-ce que c'est impossible? Je crois que la cuisine reste. Il y a une dernière trace d'une civilisation. Est-ce que vous avez trouvé des traces de la cuisine française ou canadienne? Un peu dans le nord où on mange les roubabous. Qu'est-ce que c'est que ça? Les roubabous, c'est des espèces de ragoûts qu'on faisait à l'époque des voyageurs. Tiens. Ah, je connais ça. Dans le nord, on mange ça encore. Tiens. Ouais. Et la tourtière, c'était très canadien. Ça. La tourtière, c'était canadien, mais les Canadiens français, c'est quoi? C'est les Français aussi. Hein. Bah, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais. J'étais hier soir encore avec des Québécois. Mmh. Et ils sont très français, très attachés à la France. Ils disent même pas qu'ils sont French Canadian. Ils disent pas qu'ils sont canadiens français. Ils disent qu'ils sont français. Oui. Ouais. Donc c'est une grosse différence en fait avec le Midwest, parce que dans le Midwest on dit qu'on est canadien français, French Canadian. Mmh. Je dis en anglais parce qu'ils parlent anglais. Ils parlent très peu français ici. Oui. Mmh. Alors que quand on va au Québec, ils disent qu'ils sont français, mais ils sont français tout court. Donc c'est une grosse différence. Ça, je ne savais pas ça. Ah ouais, c'est très fort. Moi, je le savais, mais je l'ai vu encore hier soir. Ouais. Donc hier soir, ça, c'était une rencontre. Et ils veulent qu'on les appelle Québécois. Bien sûr. Pas tellement Canadiens. Hein. Non, non, non, ouais. Ils sont Québécois, mais ils ont raison. Could we say a few words in English for our non-French-speaking audience right here? Yes. Well, I was just saying that the French. the Americans of French descent in the Midwest, they would call themselves French Canadians. But the Quebecois, the people from Quebec, they would call themselves French. Mm-hmm. So that's a difference. Oh, yes. Well, the culture is still very long. Mm-hmm. Yeah. We're speaking here with Christine Louise, who is making a film, and she will be showing the first cut on October 11th. That's Friday at the Ritz Theater, and you have a chance to be there, along with many other people, such as our Secretary of State, Mark Ritchie, Barbara Johnson, President of the City Council of Minneapolis, Thomas Wolfe, Professor of the U, Will Steger, Polar Explorer, Francine Roche, a singer well known, and many, many more. Yeah, and one of them who's here today. This is Mr. Pierce McNally. Yes, he's a lawyer, but he's a friend of the French, and he speaks French better than the French. Oh, yeah, notice that. Sometimes I look for my words in French, and he always knows what I want to say. Yeah. He's surprising. I thought he history. Was French, the way I talked, you know. We automatically. Oui, non. Non, non, c'est la vérité. C'est la il vérité. A vécu à Paris longtemps, il a dit, alors ça reste dans la peau. Ça reste dans la peau, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas oublié. Ah, vous voyez, hein? Ça veut dire que vous êtes un homme très intelligent. Oui, voilà. Je l'espère. Je l'espère. Mais il ne parle pas seulement français, il connaît très bien l'histoire, en fait. Il connaît très, très bien l'histoire des Français dans le Minnesota, depuis les explorateurs jusqu'à nos jours. Il est vraiment incollable. Alors, il a des théories que j'aime beaucoup, mais il va vous les dire lui-même. Comme quand tu dis que, like it or not, they speak French every day. Ah oui, c'est vrai. Enfin, la deuxième question que vous avez posée, moi, je trouve très, très intéressante sur le plan de est-ce que nous pouvons avoir des restes de la culture française ici dans le Minnesota sans la langue. Et moi, je trouve que nous avons bien des exemples des restes de la civilisation française dans le Minnesota qui nous arrivent sur le plan spirituel ou le plan pas nécessairement physique, mais en ce qui concerne l'esprit. C'est-à-dire que je crois qu'ici, dans le Minnesota, nous avons toujours gardé, enfin, l'essentiel du travail des voyageurs. Et le travail des voyageurs, c'était de pousser la frontière, de trouver la frontière et ensuite d'aller au-delà de la frontière. Et ça, je crois, nous donne un esprit aventurier qui est très présent actuellement dans le Minnesota, dans le sens où c'est un noyau des transports, et ça a toujours été cela, à partir des fleuves et des rivières. Ensuite, les compagnies aériennes établies ici, enfin les compagnies des autobus, fondé dans le Minnesota, enfin, et aussi les chemins de fer. Parce que le Minnesota, c'était toujours un endroit qui a gardé cet esprit aventurier de trouver la frontière et ensuite de pousser au-delà. Et je trouve que ça, c'est un esprit très présent, très valable actuellement dans le Minnesota, et que c'est quelque chose que nous trouvons tous les jours, et comme, enfin, j'ai tendance à dire qu'ici, à Minneapolis, même si on ne veut pas parler français, on finit par parler français tous les jours. Avec tous les noms, oui, tous les noms français. Marquette, Radisson, Nicolet, La Salle, etc., etc. Christine, where have you been all over the area now? Where have you traveled? Since I started? Over Minnesota. All over Minnesota. Specifically in the north, because that's where the first explorer were coming from. Mm-hmm. We're coming from France, but or Canada, but they were coming to the north. And I spent a lot of time in the north, but also in the south, and a lot in Minneapolis and many many places, all over the places, and specifically where you can find French names. of course. That's easy and, to and find. And trying to explain why they took this name rather than another. I will give you just an example. Do you know why or when you use the lake with the name or the name with lake? I give you an example. You talk about Lake Harriet and Cedar Lake. Ah, never thought of so that. So why is it that sometimes you get the word lake after or before? Right. Well, it's only because of the who gave the name. When you have Lake Harriet, it's the French, because the French always start with lake. So it's a name which has been given by the French. And when you get Cedar Lake, it's given by the English. Because the English get the name lake afterwards. You knew that, of course. C'est pas drôle. Et mille lacs. Lac mille lacs. C'est vrai. C'est lac mille lacs. Nous, on disait toujours mille lacs quand on parlait du mille lacs. De toute façon, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, oui. Mille, c'est un chiffre. Oui, parce que c'est tellement grand. Sometimes oui, ça ressemblait à mille lacs, quoi. Ils ont dit, oh là là, c'est grand, on dirait qu'il y a mille lacs. C'est ça. C'est pour moi. Bah, oui. Sometimes they're very funny, too. Oh, yes. Oui. You're thinking of lac qui parle? Ah, oui. Trempe à l'eau. Trempe à l'eau, très amusant. Trempe à l'eau, c'est dans le Wisconsin. Wisconsin, hein. Mm-hmm. Trempe à l'eau, c'est Wisconsin. C'est le nom d'un département dans le Wisconsin. Trempe à l'eau. Ouais, mais c'est aussi une ville, je crois, un village. Oui, un village. Oui. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Mais il y a le lac qui parle. Il y a le lac Pomme de Terre. Je suis allée au lac Pomme de Terre. Et le lac qui parle, c'est à cause des échos. Non, c'est à cause des oiseaux. Des parce qu'il y a des réserves d'oiseaux. Et à certaines époques de l'année, on ne s'entend pas parler. C'est le lac qui parle. Oui. Tu vois comme on a... Moi, je vous dis, écoutez, bonjour Minnesota, vous apprendrez toujours quelque chose. C'est la seule station dans tous les États-Unis où vous trouverez toutes sortes de programmes de toutes sortes d'ethnies. Et surtout, bonjour Minnesota, le meilleur programme de tous les États-Unis. Voilà. Et dans le, très, très dans bien dit, Louise. Ah, très, très bien dit. Ça, dans l'Ouest, il y a l'homme à Dieu. L'homme Dieu, oui. Sans doute c'était un prêtre qui était peut-être. Là. Et vous savez comment Américains il prononce l'Ahamadou. L'homme doux. L'Ahamadou. C'est l'homme à Dieu. Ouais. Mm-hmm. Ben oui. Oh, il y a des tas de noms. Hein. Et vous n'avez pas encore rencontré. Celui-là, je ne le connais pas, non. Non. La semaine dernière, j'étais au lac Pomme de Terre, alors j'ai fait des petites recherches. Vous connaissez le lac Pomme de Terre? Oui, non, maintenant, ça me dit. C'était en français? Oui, oui, lac Pomme de Terre, oui, c'est en français. C'est pas un mot traduit, c'est lac pomme de terre. Aujourd'hui encore, ça s'écrit lac pomme de terre. Et comment est-ce qu'il prononce? Il prononce bien? Ah, ça, je sais pas. Les Américains. Mais en tout cas, le lac pomme de terre, il y a une raison. C'est parce qu'autour de ce lac, il y avait une. C'est pas une plante, enfin bon. Une sorte de pomme de terre qui poussait là. On a cru que c'était une pomme de terre. En fait, ça ressemble plus au navet qu'à la pomme de terre. Ah, tiens. Et c'est tout blanc. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc les Français sont arrivés, ils ont appelé ça le lac pomme de terre parce qu'il y avait ça tout autour. Mais c'était pas vraiment des pommes de terre. C'est un produit de la terre. Oui, absolument. Oui. Bah oui, pourquoi absolument. Pas. Ah, ces chers Français. Entre autres choses. Oui. Mais il y en a beaucoup des choses. Alors vous connaissez bien White Bear, hein, la région. Je connais White Bear. Oui. Très bien, peut-être pas, mais je connais parce que moi j'ai vécu longtemps à Maramidai, qui est tout près de. Ça fait partie de White Bear, pour ainsi dire, le lac. Et c'est plein de noms français. Hein. Plein. Je suis allée à Little Canada et à Sainte-Ville. Oui. Donc j'ai vu les deux. Oui. Et les cimetières qui sont pleins de noms français. Oui, oui. Partout. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens très intéressants à la Historical Society de Little Canada. Oh, Little Canada. Oui. Ce sont des personnes un tout petit peu âgées maintenant. Oui. Mais qui ont gardé toute l'histoire de leur famille qu'elles connaissent sur le bout des doigts et qui parlent encore un peu français. Tiens. Ah bon ? Oui. Parce qu'en fait, on s'aperçoit en discutant avec beaucoup de gens que la génération qui a cessé de parler français, c'est la mienne. Moi, j'ai 63 ans, c'est les gens qui ont 63 ans maintenant, c'est leurs parents qui parlent français. Oui. Et eux, c'est fini. Mais les parents, ils ont quoi ? Ils ont entre 80 et 90. Mais ils sont morts, beaucoup sont morts aussi. Oui, mais ceux qui restent, qui ont encore entre 80 et 90, ils parlent encore français. Ceux qui sont morts, ils parlaient français, mais ne parlent plus. Donc c'est vraiment la dernière limite de la langue française. Il y a encore des exceptions de gens qui continuent, mais la majorité des gens parlaient encore français dans la génération de mes parents. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais. Oui, c'est la génération précédente. C'est ça. Oui. Mm-hmm. C'est ça. Et la génération suivante s'est perdue, quoi. Ça s'est perdu parce que les Américains ont fermé les écoles françaises. Ouais. La première C'était une école... décision politique. Mmh. Ils voulaient que la langue anglaise soit absolument partout et ils voulaient empêcher les autres langues de se développer. Donc voilà, il n'y avait plus d'école française, c'était fini. La première et maintenant, on est rétabli. Ça revient. Oui, toutes les écoles d'immersion qui fleurissent au Minnesota, plus que dans n'importe quel autre État des États-Unis. Oui, à Saint-Paul, il y a l'Étoile du Nord. Voilà. Tiens, la devise du Minnesota est encore en français. Hein. Ah, mais c'est la seule de l'Union américaine. Oui, l'Étoile du Nord. Il n'y a pas d'autres devises dans l'Union avec des mots français. Alors, vous voyez pourquoi... Les autres sont en anglais ou en latin. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vante toujours le Minnesota. Mes enfants m'ont toujours appelée Madame Chamber of Commerce. Parce que je suis toujours vous en train Vous êtes là depuis combien de temps? Oh là là, j'ose pas vous le dire, depuis vous toujours. Allez croire. Oh, ma peau. 1947. Pas mal. Je suis une... J'avais 21 ans quand je suis arrivée là. À ce moment-là, vous êtes une autochtone. Bah oui. Ça sonne bien, autochtone. Hein. Ça fait bien. Oui. Elle est complètement bilingue. Ah bah alors... oui, j'espère. Ah oh, oui. Oui. Mais j'ai encore beaucoup de contacts avec mes amis à Paris. Mais il faut garder sa langue, il faut garder ses racines. On se parle plusieurs fois dans la semaine, toutes les semaines. Et puis j'ai enseigné. C'est comme ça que Caril et moi, on se connaît. On était profs de français ensemble. Alors, une annonce. Ah. Et même deux. Programming on KFAI is supported in part by the Medtronic Philanthropy. Medtronic's commitment to making healthcare more accessible in the Twin Cities starts with supportive programs like the Health Fair 11 Community Health Mobile, providing blood pressure, diabetes, and cholesterol checks. The Health Mobile will be at the Hmong Resource Fair at the Moundsview Community College on Saturday, October 5th. More information is available at ampershealth.org. Every Monday morning, start your music week right by tuning in to Pam Without Boundaries. From 10 a.m. to noon, it's almost all new music from all over the world, from Bamako to Preservation Hall. You'll hear the latest music across genres, artist interviews, what's happening in clubs, and some corny jokes. Tune in Mondays at 10 a.m. on KFAI. Here we are again. KFAI is kicking off our fall pledge drive with Blues Harmonica Bash and fundraiser at Walebski's Blue Salon. Saloon. Hosted by KFAI's House Party. The event features harmonica greats, R.J. Mischel, Curtis Blake, Hurricane Harold, Boom Boom Stevie V, and Jeff Starin. The all-star backing band includes legendary keyboard great Bruce McCabe. The party runs from 3 to 7, Sunday afternoon, October 13th. More information available on the events page at kfai.org. We hope to see you there, helping us to celebrate 35 years of community radio. And tonight we are celebrating with Christine Luis, who is about to bring out the first cut of her new film. And the title? En avant. Ah, the model of the city of Christine, donne-nous, si tu peux, un petit précis du film, la structure du film, de quoi il s'agit généralement, et ensuite plus précisément les images que tu vas y mettre et la musique que tu vas choisir. Et c'est donne-nous tout? Un petit précis de comment ça va se dérouler. Écoute, le film, il va partir. L'objectif, c'est de voir ce qui reste aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des traces qui sont vivantes ou pas? Donc, on va reprendre la géographie qui va nous ramener sur l'histoire. On va descendre les cours d'eau, on va aller dans les Boundary Waters d'abord, dans le National Voyageur Park, on va descendre le Mississippi, on va s'arrêter quand on aura des lieux français. Et on va interroger en réalité plusieurs types de personnes qui vont participer au film. Donc il va y avoir bien sûr ce que j'appelle des témoins, c'est-à-dire des Américains d'origine française. Donc parmi eux, il y a ceux qui connaissent leur histoire, ceux qui ne la connaissent pas, et aussi des, ce que j'appelle en français des Indiens, c'est-à-dire des Native Americans. Donc ces trois types de personnes vont parler, ce sont des témoins. Dans les autres catégories de personnes qu'on va entendre parler, il n'y en aura pas non plus 150, il y a des gens qui connaissent l'histoire, qui ne sont pas nécessairement français, mais qui connaissent l'histoire. Donc il y a par exemple Tim Cochrane, qui est le superintendent de Grand Portage Monument, qui est quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire et qui va éclairer un peu notre lanterne. Il y a des gens comme Pierce qui ont des idées qui n'est pas du tout français, mais qui connaît bien l'histoire. Il y a par exemple Thomas Wolfe, qui est le professeur d'histoire de l'Université du Minnesota, qui sera dans mon comité de surveillance, c'est-à-dire qu'il va vérifier si je dis des bêtises ou si j'en dis pas. C'est lui la caution, la caution historique. Et puis voilà, donc tous ces gens-là vont participer d'une façon ou d'une autre, vont suivre mon voyage en images, images qui seront aussi, ce seront des images des personnes, mais ce seront des images de la nature, puisqu'on va avoir beaucoup d'images de nature. Le Minnesota, c'est la nature, c'est pas seulement les villes, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Une chose que je trouve fondamental dans mon travail, c'est que je veux que ce soit un documentaire gai. Je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on soit heureux quand on le regarde. Les Français étaient joyeux, ils chantaient des chansons tout le temps à l'époque, les premiers explorateurs. Mm-hmm. Moi aussi, je vais chanter des chansons, et on va avoir des chansons joyeuses. Donc on va avoir deux types de musique. Il y aura une musique du Québec et une musique de France. Ils sont en train de nous préparer des tas de choses. Ils vont aussi chanter quelques petites chansons d'autrefois des voyageurs. On aura des enfants aussi, des écoles qui vont chanter un petit peu. Mais globalement, ce sera quelque chose de joyeux jusqu'à la fin. Et à la fin, on aura des musiques plus originales parce que je veux qu'il y ait une création. On parle du passé, mais on est surtout ancré dans le présent puisque c'est depuis le présent qu'on regarde le passé. Donc il y aura une création musicale. Donc sur la façon dont je construis le film, on va dire qu'il y aura globalement trois parties. La première partie, c'est on a l'impression que tout est français, c'est formidable. La deuxième partie, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas si français que ça, parce que c'est vieux, c'est passé. Il y a eu beaucoup de couches de populations différentes qui sont passées par-dessus, notamment les Scandinaves, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les Allemands, il y a les Polonais, il y a beaucoup de différentes nationalités. Et puis la dernière partie, c'est bon, ça va bien, les impressions qu'on a, c'est une chose, mais quelle est la réalité ? Donc la troisième partie est la plus importante. Et je ne vous donnerai pas la réponse. Très bien. Raconte-nous aussi un peu, si tu peux, comment cette idée est reçue en France, lorsque tu as l'occasion d'en parler. Écoute, je suis presque triste et j'ai presque pas envie de le dire, parce que quand je suis ici dans le Minnesota, je raconte des petites choses. En général, les gens ne connaissent pas les détails de cette histoire, mais ils savent qu'il y a eu des Français. Ils ont les noms français, ils sont obligés de le savoir, comme tu disais si bien, ils parlent français même s'ils ne le veulent pas. Mm-hmm. Donc, ils savent quand même un petit peu. Pas toujours beaucoup, mais un petit peu. Quand on va en France, alors là, on me dit, mais t'es sûr qu'il y a eu des Français dans le Minnesota? Voilà. Tu en es sûr? Alors, c'est moi qui vote ça, je sais. Hein. Oui. Alors, évidemment, j'insiste, je parle et j'ai fait tellement de recherches qu'on finit par me croire. On sait qu'il y a eu des Français au Québec. On sait qu'ils ont été à l'origine du commerce de la fourrure dans l'Amérique du Nord. On sait un certain nombre de choses. Mais le Midwest lui-même, moi-même, je dois reconnaître qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas qu'il y a eu autant de Français qui sont venus jusqu'ici et qui ont influencé autant cet État. Ouais. Et pourtant, je viens dans le Minnesota depuis 27 ans. Et je ne le savais pas. Donc les Français sont intrigués, étonnés, dubitatifs et finalement curieux. Voilà ce que je peux dire. Alors, et la diffusion du documentaire, ce sera aux États-Unis et également en France ou peut-être partout en Europe? Alors, la diffusion du documentaire, dans un premier temps, on a l'assurance, à peu près, l'assurance que ce sera diffusé à la télévision du Minnesota, à Tipiti. On n'a pas signé le contrat, mais on a des accords favorables. Et la même chose pour la France, donc on aura la télévision française aussi. La deuxième partie, c'est parce qu'on va faire plusieurs montages. On va faire un montage pour la télévision qui dure une heure, en français et en américain. Donc ça, c'est la version télévision. Et on aura une version plus longue qui sera destinée au festival d'abord et si tout va bien, aux salles de cinéma, qui sera une version plus longue, donc de probablement 90 minutes, c'est-à-dire une heure et demie. Et on verra ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas marcher. Ça peut être un très bon film et puis peut-être qu'il sera moins bon que ce que j'espère. On ne sait pas. J'ai beaucoup d'espoir, évidemment, mais bon. Quant à la diffusion en dehors des États-Unis, déjà les États-Unis, il y a le Minnesota, ça c'est garanti. Le reste des États-Unis, on verra. Le reste de l'Europe, on verra. Si ça marche, ça peut aller très loin. Oui. Puisque les deux langues sont quand même des langues principales. Oui. Le français et l'anglais étant des langues très importantes. Il y a aussi l'espagnol et le chinois, mais pourquoi Je pas faire Je peux bien imaginer qu'il y aura un intérêt au Québec, en Louisiane. Absolument, absolument. Oui, oui. Et dans oui, les parties oui. francophones, un peu partout, quoi. Et anglophone. Oui. Mais francophone, certainement. Oui. Oui, oui, absolument. Mais quand je disais qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça a été repris plusieurs fois autour de moi, donc je le répète avec plaisir, parce que je pense que c'est une des qualités de l'Amérique, c'est que quand je parle de mon sujet, parfois j'ai un peu le vertige, je me dis, oh là là, dans quelle aventure je me suis lancée. Ouh, j'ai un peu peur et j'ai le vertige. Et un jour, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, c'était peut-être toi, je ne sais pas, un Américain en tout cas, qui m'a dit, « In America, you've got to think big ». Ah, voilà. Et je me suis sentie un petit peu mieux. Je dis, bon, je suis en Amérique, il faut faire comme les Américains. J'ai une petite question. Comment est-ce que vous avez eu l'idée pour commencer de faire un film comme ça? Comment ça vous est venu, l'idée? C'est comme toujours, c'est un peu le hasard. Hein. Bon, des films, j'en ai fait déjà pour la télévision française, mais c'est mon premier projet indépendant. Mais l'idée m'est venue parce qu'un jour, j'étais dans le Minnesota, je viens depuis très longtemps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je connais Will Steger depuis très longtemps. Et ça fait 27 ans que je le connais, donc ça fait longtemps que je viens ici. Mais un jour, je me suis retrouvée toute seule sur les routes, en voiture, avec une carte. Et d'un seul coup, j'ai eu la révélation, parce que comme je ne conduisais jamais, quand j'étais ici, on m'emmenait toujours, c'était plus facile, et puis c'était comme ça. Donc je ne regardais même pas les noms des endroits où j'allais. Je savais que j'allais à Illy, j'arrivais à Saint-Paul, je partais à Illy, c'était très bien, je passais par Duluth, et tout va bien, la vie est belle. Jusqu'au jour où justement, j'ai eu cette carte sous les yeux, j'étais toute seule pour conduire, j'ai regardé, je n'avais pas encore les GPS, en tout cas, je n'en avais pas. Et je me suis aperçue que tous les noms étaient français. Évidemment, quand je les entendais prononcés par les Américains, je ne les avais pas reconnus. Parce que je les connaissais quand même, mais je ne les avais pas reconnus. Et donc, partie de là, j'ai fait quelques investigations, j'ai regardé comme tout le monde, j'ai acheté des livres, j'ai regardé Internet, j'ai parlé à droite à gauche. Mais ce qui m'a vraiment décidé à faire ce film, c'est quand je me suis aperçue que le sceau du Minnesota était le seul avec des mots français dedans, l'étoile du Nord. Tous les autres sont en anglais ou en latin. Et quand j'ai vu aussi la devise de la City of Minneapolis qui est en avant. Là, vraiment, c'est trop, là, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le fasse savoir au monde entier. Et nous en sommes très contents que tu le fasses. Merci. Merci. Donc, faut pas oublier le 11 octobre, Ritz Theater, 5h30, heure américaine. C'est 345 13e avenue, nord-est. Absolument. Donc on va montrer le dernier petit morceau qu'on aura fait, le petit tournage. Ce seront des petites parties, mais quand même, ce sera assez significatif. Et puis, je suis assez flattée et contente parce que je vais réussir à réunir tous ceux qui m'ont soutenue dès le départ. Parce qu'au début, la petite Française qui arrive, ouais, elle veut faire des trucs, c'est bien, mais tout le monde n'y croyait pas. Hein. Non. Ouais. Donc, il y en a qui ont cru en moi dès le début. Je suis très, très touchée, très reconnaissante. Mm-hmm. Et ils vont être là. Ils vont être là pour expliquer pourquoi ils ont cru à mon projet, pourquoi ils m'ont soutenue. Et puis, j'espère que beaucoup d'autres continueront à me soutenir parce que, en fait, j'ai une partie de mon budget, mais il m'en manque encore un petit peu. Oui, donc j'espère que je donnerai des idées à ceux qui aimeront le sujet et qui seront convaincus qu'on va faire un film intéressant. Et ils le seront. Je croise les doigts. Ils le seront. Et c'est toujours la recherche des fonds. Toujours. Toujours. Ça, c'est toujours... Mais ça, c'est enfin le sort d'un, de quelqu'un qui veut tourner des films. Quoi. C'est un projet indépendant. Ouais. Et voilà, c'est un projet indépendant. Il faut trouver l'argent quelque part. Vous ne pouvez pas être aidé par le gouvernement français pour ça, non? Mais le gouvernement français lui-même, non. Mais évidemment, les télévisions font des coproductions. Donc j'ai déjà une partie du gouvernement français, entre guillemets, de coproduction. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, évidemment, moi j'ai des idées formidables, mais elles sont toujours très chères. Parce que travailler entre deux pays, ça coûte forcément plus cher que d'être dans un seul pays. Ouais. Avoir des équipes partagées, ça coûte plus cher que d'avoir des équipes que du Minnesota ou que de la France. Moi je veux. C'est l'histoire partagée. Je veux des équipes de travail partagées. Je veux une diffusion partagée. Je veux une production partagée. Ça coûte plus cher. Voilà. Ça veut dire narration et en français et en anglais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'il y aura une version américaine et une version française. Ouais. Alors, il y a des gens, par exemple, Pierce, il va parler, il l'a déjà fait d'ailleurs, en anglais, puisque c'est quand même sa langue maternelle, mais en français, parce que ça pourrait être sa langue maternelle, il parle très bien français. Ouais. Donc, certains parmi mes interlocuteurs feront deux versions. Ceux qui n'en font qu'une, eh ben, il faudra bien trouver un moyen de traduire et de produire une version française et américaine complète. Ah, vraiment intéressant. Hein. Voilà, je pense que je vous ai presque tout dit. Oui. Tu crois qu'il faudrait traduire en anglais? A little bit, because we might lose some non-French speakers. But okay. Really, we have quite a public that listens that don't speak French. Christine has a project, and it's called. It's called En Avant, and it's French words, but it's because it's the motto of the city of Minneapolis is in French. So I just stole the French words that are on the city council in Minneapolis. En Avant, but which means go forward. Yes, and it also has such a wonderful connotation in French, mm-hmm. both yes, from a military standpoint as well as just an encouragement. That's right. And so I think it's got a very nice connotation in given those two different types of interpretations that one can have of the phrase. It's a beautiful expression. And since I've decided that I would take it as a title for my work, I hear it everywhere. I was yesterday in Bemidji, in Concordia, teaching French. And we had a little bit of a screening of a French film. Every 2 minutes it was, en avant, on y va, en avant. So I couldn't help laughing because this is such a nice and alive expression. And it was so funny when I saw it the first time in the city council. So she is inviting all of our listeners to come and see the last cut of the film. The latest. The latest cut. And there will be all kinds of celebrities there. Mark Ritchie, Secretary of State. Barbara Johnson, President of City Council of Minneapolis. Thomas Wolfe, Professor at the U. Will Steger, Polar Explorer. Francine Roche, will she sing? I don't know. She's going to sing. And many others. So you'll be welcome there, and it will be interesting and fun. Yeah, I hope so. I hope so. So, Christine, this starts at 5:30 on Friday, October 11th. That's absolutely. Right. And goes for how long? 7:30. Okay. So it's a short event, but it's going to be very dense. And we'll have a red carpet with some photographers all around. So everybody will come and have his picture on the red carpet. So that's the funny thing. You will be surprised. I will mention two things. One group of children from French Academy will come and sing a little bit of the Song of the Voyageur, hopefully with Francine Roche. We still have to organize that. And the other thing, which is quite funny, and I'm now authorized to talk about it, I wanted to do it last year, but I was not authorized, so now I am, is Will Steger. You could say that he's nothing to do with the French. He's not French. He's got not a single drop of blood in his body, which is French. But the very, very incredible thing is that in his homestead in Ely, he started building, 25 years ago, he started building a sort of house, let's call it a house. He now calls it a conference center. It's going to be developed in a commercial way and so on and so. But that's not the most interesting thing. The most interesting thing is that this building looks like Champlain's house in Quebec, which was built in 1603, would you believe? Ah, oh, by accident or? Of course by accident. Oh, he didn't know about Champlain at all. He didn't know who Champlain was. Oh, my goodness. And probably somebody told him before I did, because when I told him, he said, oh, somebody told me that before. But when I saw, when I doing my research, I saw the picture of the house of Champlain in Quebec, which was built in 1603 or 5 or 6, or I don't remember exactly. 1609. 1609, thank you. You know, he knows better than everybody. And this house is not exactly the same, but it's very, very similar. It's the sister of the house which is built in Wilstiger House. Did he design it? Yes, he did, himself. So absolutely. He had the design. It's in all his in head. His imagination. And he didn't know that it was. He didn't know. An almost replica of the first house of Samuel de Champlain exactly. in Quebec. We have to say, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. It is 9:02 Central Standard or Central Daylight Time. And our guests are Christine Luis and historian Pierce McNally. Nally. Oh, like the Naps, of course. Any last words for us, Christine? Well, I'm very, very impatient to finish this work. Oh, yes. I hope I'll get everything I need to finish it very quickly. And I look forward to show it to everybody. But at the same time, I'm becoming anxious and nervous, but I'm very happy. How much is left to do? I would say half of the filming. We've done a lot of interviews already. Mm-hmm. We still need half of it. But we already have the the editing, the money for the editing. So we have the money for when it's done. But it's not done yet, not finished. I will mention that this presentation is free and open to the public. We would appreciate your donations. Yes, that would be kind. We hope so. We hope to get some as much help as possible. So fantastic. Come on October 11th, Friday evening, 5:30, right. The Ritz Theater. Red carpet, Northeast Minneapolis. Bring your friends and bring that wonderful French spirit. Thank you, Bias. That's exactly what we need. Bon, alors, une petite chanson. Ah, bon, alors on est prêt. Ah, oh, Charles Trenet. Oui, on aime Charles Trenet. Nous sommes ma génération. Hein, on l'adorait. On l'adore, c'est un oui, poète. Oui, encore maintenant, oui. Vous qui passez sans me voir. Mm-hmm. Ah, et après, L'âme des poètes. J'adore cette chanson. L'âme des... Tu as bien choisi, Carrie. Oh, elle, c'est merci. Elle qui choisit. Vous savez, elle fait bien. Hein? Moi aussi, j'adore. Très, très bien. Oh, c'est beaucoup de travail. Passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Les souvenirs sont là pour m'étouffer, de larmes, de fleurs, de baisers. Ah oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me voir, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu, que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent ton corps dans les rues. C'est leur chanson qui rend gay, qui rend triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Well, that was, Charles Trenet with a beautiful two numbers that he wrote himself, Vous qui passez sans me voir. That's such a nice, sad song. You who pass by without even seeing looking me. Looking at me, yeah. Yes. Give me a little bit of hope tonight. Oh. Oh. She has so much. Charles Trenet was... Oh, we unknown here, but he's such oh, a we loved him writer. So much. My generation, mm-hmm. we were crazy about mm-hmm. him. But he's such a poet and so happy and, you know. The second number was called The Soul of Poets. Oh, and that's a such beautiful, Number. Oh, the, I love that it one. It says something like, long time after the poets have gone, their songs will stay here in our hearts. Yeah. We don't know who they were, and sometimes we forget the words, so we go la la la la. Well, he was one of the poets, wasn't he? Oh, he was a poet. Oh, he wrote both the music and the lyrics. Yeah, well, we all loved him, so I think people appreciate him even now, don't they? Huh? Oh, like, well, he's not too well known in the United States. No, but the probably French, not. Of course, Well, and we certainly enjoyed visiting. Isn't that some project? Christine and Pierce. Wow. Christine. That should be some movie when it finally. It should be fascinating. Yeah. I hope our listeners get a chance to see Christine and all the dignitaries who are going to be there on October 11th at 5:30 at the Ritz Theater, 345 13th Avenue Northeast. Wonderful, yeah. Hello. Only in Minnesota, I'm telling you. How many times do I have to tell you that this is the most unique state and KFAI is the most unique station? No question. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, maintenant, on continue avec Juliette Gréco. Elle va nous chanter accordéon et déshabillez-moi. Alors ça me... Tu traduiras en anglais après, hein? Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, numéro 2. Est-ce que tu as jamais vu Julia Gréco? Non, j'ai jamais vu. Non. Mais elle est encore connue, hein? Elle chante, elle chante encore, mais dis donc, elle n'est pas une spring chicken, comme on dit en anglais. Hein? Elle était célèbre depuis la guerre. Après la guerre, alors, je voilà, crois. Voilà, avec accordéon et déshabillez-moi. Laissez-les passer les olivettes, laissez-les passer. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Ces mots suprêmes. si douce, cher trésor. Mais un peu fou, la vie est parfois trop amère. Si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser du cœur. On guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, retire-moi d'un chose tendre. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit kfai.org. Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est-il vous, c'est moi, Menon? C'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. motivé. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Tout le temps du prélude ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. There's Julia Grieco. Woohoo! Woohoo! Oh boy. First song was Speak to Me of Love, a classic, almost a folk song, wouldn't you say? Parlez-moi d'amour. Oh, it's dates from the 30s or so, yeah. Mm-hmm. Then she sang for you accordion, which has been a great instrument throughout all of French music, especially for dance. And finally, déshabillez-moi, undress me, she says. And Carol, you better not translate those lyrics if you know what's good for you. We'll leave it at that. Yeah, the imagination's always Let's better. Leave it to our listeners' imagination. Juliette Gréco was known as la muse de Saint-Germain-des-Prés, so she came to the public's eye in... After, right the liberation, after the liberation. It was that's why. And she's still singing. But she was. Giving concerts. And she knows spring chicken, huh? That's true. But, if she can do it, good for her, you know. Well, this is Bonjour Minnesota. I'm Carol. Louise. And we're bringing you music from France and French-speaking countries. Maintenant. On va écouter... T'as pas les annonces, non? Tu veux pas donner les annonces? Oh, peut-être, oui. De l'Alliance? Oh, OK. Des annonces. C'est pas à moi de te dire quoi faire. Non, mais j'ai presque oublié. Here's a couple of announcements from the Alliance Française. There is a course being taught there at the Alliance with conversation classes on Sunday afternoon with Albert. Also, a 5-week class on workshops such as immigration in France, Les Comiques et Rires à la Française, and Celebrating Albert Camus. I believe it's his 100th anniversary of his birth. The writer of L'Étranger, probably the best known to Americans. On Monday, September 23rd. Oh, no, that's an old one here. No, I crossed it, so you should not. Sorry. Aren't you reading the one I gave you? I got the wrong one. Uh-oh. Here's the right one. Yeah, because I made it a point to cross one. So. Here's the right one. Okay. En Clown en Exil. It's Yabdri, Mohamed Yabdri, who is going to be an Algerian comedian. He's going to do an encore performance of A Clown in Exile, joined by actor Noah Bremer in the story of a man leaving his home country, unable to express himself to in the capacity that he wishes. this picture of him makes him look like a man, maybe 50, 60 years old, but he's just a young guy, yes, and wonderfully actor. The show, En Clown en Exil, toured in Paris, 10 cities in his native Algeria, and returned to the Twin Cities for the Fringe Festival. It's going to be at the Alliance, October 5th at 7. It is paying. Call and reserve your ticket today, 612-332-0436. The TEF, a test of evaluation of French, the last test date for 2013 is Wednesday, November 6th. Deadline for registration is next Friday, October 4th. This is an official test to evaluate your French level, and it's recognized by the Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. If you will need an official measure of your French level before the end of the year, now is the time to enroll. Call the Alliance, 612-332-0436. The Cine Club is having a series of film noir every other Friday at 7 p.m. The next one, I've got to see this, Louise. I saw it in France. Which one is that? Diabolique. Oh, that is one of the scariest films I've ever seen. I think I saw it on TV once. You did? Yeah. Oh. Some time ago. Yeah. That's going to be October 11th. Coming soon to the Alliance. Mm-hmm. Oh, that's the same night as the opening. October 11th for Christine's film opening, October 11th. But isn't a Christine thing at 5:30? Yes, so you could make them both, not too far apart either. Once you're out in the car, you might as well make it worthwhile, you know. The film starts at 7, so you could go and do the 5:30 film thing. If you rush a little bit, yeah. Sure, and then make it over to the Alliance for Les Diaboliques. Debate used in French language classes. It's Formation pour professeurs de français langue étrangère. Tuesday, mardi 8 octobre, midi et demi à 18h30. So if you are French teachers out there that would like to use the debate method for teaching students, this is the place. There are limited positions. There is a cost. Reserve at the Alliance, 612-332-0436. Probably can be used for continuing education, too. That sounds like an interesting program. I've never heard of such a thing as using debate, you know? That would be great. It certainly would be a terrific way to get the students to talk. I'd be very curious. The DAFLE certification is now being at the Alliance Française. It's the Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. Training program for French teachers through the Alliance Française in Paris and the CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. There is an admission test and a final exam, both of which can now be taken at the Alliance Française. A year in Burgundy. That's going to be tomorrow night, Wednesday, October 2nd, at the Parkway Theater. There is a charge, and you need a reservation. That's why I'm wondering. There's not much time, huh? Well, I don't know. Yeah. You can try it. Yeah. It sounds very interesting. Burgundy with the wine. It will be French wine importer Martin Saunier, where you'll discover a story of the history of the Burgundy region and the legacy of the families who have cultivated there for generations. Martin Saunier is known for Martin's Wines, Grand-Père Wines, and South Lindale Liquors. There will be food provided by Chez Arnaud and Méritage. Hmm. Mm. It's a limited to 200 guests, so take advance reservations. That should be fun. Alliance Française Book Club, Saturday, October 19th. Easy reading, lecture facile for beginners. 2:30 to 3:30 at the Alliance. Currently reading from Le Petit Nicolas, which is so fun. Oh, I love them. Wonderful. Oh, he's so cute. The next one for intermediate, Navigateur de la Littérature, Wednesday, October 2nd, tomorrow, 6 to 8 p.m. at the Alliance. They are reading Vanina Vanini by Stendhal from Two Stories de Nouvelles. Call the Alliance to find out about this. And on Saturday, the 5th, it's this coming Saturday, Petit Déj. Oh, breakfast at the Alliance. Real French food, baguettes with butter and jam and croissant, and a great place to meet and speak French. Pastries and breads by Breadsmith. Peace Coffee and Conversation is for you, free and open to the public. And that's about it. Oh, here's something new. Les Jeunes Cadres Dynamiques will meet at the Café Mode on Loring Park, Thursday, October 17th, 6 to 9. Socializing and networking at Café Mode on Loring Park. There is a charge, but it's quite moderate. You can reserve to get an advanced rate at 612-332-0438. All kinds of advantages for French members of the Alliance, all members of the Alliance. Wednesday, October 30th, the Ballet Preljocage, U.S. premiere of And Then 1,000 Years of Peace, presented by Northrop, held at the Orpheum Theater with a preview at Solera. Call the Alliance for a discount for Alliance Française members. November 21st to 23rd at 8, the Jérôme Bell and Theater Oja will perform Disabled Theater of the Wockard Art Center. They are inviting Alliance Française members to come at a discounted rate. And also, there are several job positions which you can check out online by going on bonjour at afmsp.org. Yeah, they can come. Or call. There's so much going on at the Alliance, isn't there? Huh? That's all. Fascinating place. Mm-hmm. Okay, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Alors, on continue avec la musique. Julien Clerc. C'est ça. Dans deux chansons, Ce n'est rien et Fais-moi une place. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles noires sur ton chemin qui coulent, et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une flotte belle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.

The nomination period for candidates for KFAI's program committee has been extended. Applications for volunteer and listener-elected positions, each for two-year terms, will be accepted through Monday, October 28th. The program committee has a direct say in the programming you hear every day at KFAI, and 2014 promises to be an active year regarding programming decisions. If you are interested in having a seat at the decision-making table and are willing to work, please fill out a short candidacy application. You can find applications for volunteer and listener-elected positions on KFAI's program committee at www.kfai.org/elections. Go around the world in 4 hours with a cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Well, we heard two really touching numbers. They're beautiful. Julien Clerc. The first one, it's so much energy in it, huh? Ooh. It's nothing. It was live, recorded live at the Olympia Hall. Yeah. And that's probably what gave him all the energy. Oh, it's a beautiful. Have you ever been there for a concert? I have never been to Olympia. Oh, I've been with my GIs, you know, after the liberation. It's a wonderful music hall. I mean, it's big and it's, you know. That's, lively place. Yeah, it's wonderful. Oh, the second song was so beautiful. Make a place in your heart for me. So that I can wipe your tears when you're sad. And I make you forget when you're unhappiness. And I'll make myself handsome so I can be yours. Oh, my goodness, that's beautiful. Mm-hmm. Isn't that a romantic song? N'est-ce pas? Oh, Julien Clerc, oh, he's good. Et maintenant, Patricia Cass. Oui. Va vous chanter. Oh, c'est toi. L'heure du jazz et les hommes qui passent. Alors elle est vraiment le blues, hein? C'est aussi près du blues qu'on peut l'être en dehors de l'Amérique, hein? C'est Il me semble, oui. Du jazz, les saxos pavoises, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker bave, ton âme dans l'extase, une plombe lors du jazz, aucun man s'agace. La nuit, heure du jazz, Rick Stewart, elle reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le DJ qui est fou, repasse kind of blue, Bill Evans c'est tout, la nuit heure du jazz. De plomb, heure du jazz. Les gigolotoises, les vieux capenas, le diam s'autopasse, sapé en bourgeoise, de plombeur du jazz, faut saisir l'occasion. La nuit, heure du jazz. Rex Stewart, elle reste, entend la trompette, le bonheur du jour, le DJ qui est fou, repasse kind of blue, Bill Evans c'est tout, la nuit, heure du jazz. l'heure du jazz. À peu vite les princes, les mégots s'écrasent. Dernier champ framboise, on oublie son blase. Trois plombeurs du jazz, attention, l'ardoise. La nuit, l'heure du jazz. Stuart Elrens, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le DJ qui est fou, Pascal kind of Blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit, heure du jazz. La nuit, heure du jazz. Les saxos pavoisent, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker baffe, ton âme dans l'extase, le plombeur du jazz, au can man s'agace. La nuit, l'heure du jazz. Rex Stewart, elle reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le DJ qui est fou, repasse kind of blue, Bill Evans, c'est tout, la nuit, heure du jazz. Gardant pas perdant les hommes. We heard there two by Patricia Kaas. The first one was the Jazz Hour. She's known as a jazz singer. They call her Mademoiselle Blues. And she's very popular in France. She is quite popular. She's just come out with a new album of songs by the old Piaf songs. Oh, that's right, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. And the second one was called The Men Who Pass By, Mom. Uh-huh. It was rather rough. Ah, yeah. She'd like to hang on to one for a year, if possible, but their smiles are more like grimaces. Oh, gosh. Oh, dear. It's not exactly romantic, but... Well. Alors, on continue avec Alain Souchon ou quoi, non? Oui, ben, on n'a pas on beaucoup de temps. On hein. a le temps pour... Qu'est-ce qu'on fait, alors? Paris Combo, tu Irénée. Tu veux qu'on finisse avec Paris Combo? Oui. Irénée. Hein? La dernière. Pas les deux dernières, non? Oh, on n'a pas le temps? Non. On n'a pas le temps? Non. Alors, juste Paris Combo, Irénée? C'est ça. OK. Après, on dira au revoir. Hein. Elle s'appelait Irénée, elle était envoûtée par le charme d'Algo, les castagnettes et le tango. Son souhait le plus ardent de prendre pour amant un beau cavalier rose, un vrai tout en chair et en os. Aïe aïe Irénée, pourquoi n'es-tu pas née en pays latin plutôt qu'en pleine Vendée? Aïe aïe, qu'est dollar de n'avoir pas le corps des Andalouses que l'on jalouse et qu'on adore. C'est pourquoi, pas à pas, elle envia les enfants qu'elle n'avait pourtant pas. Aïe aïe, quelle déception! Consumée par sa passion, elle tenait toujours bon, dansant le flamenco sur son parquet à coups de sabot. Mais un jour, n'y tenant plus, elle reprit le dessus, en bateau s'embarqua direction la Costa Brava. Aïe, je suis folle de voir tant d'Espagnols crier l'hystérique en péninsule ibérique. Mais l'allégresse lui plaça la détresse quand dans un bal, elle découvrit l'ampleur du mal. Les madones ont diablé sur Aïe d'Irénée, car tous les Espagnols la trouvaient maçonne. Tel un taureau dans l'arène, fonçant sur tout ce qui bouge, Irénée hors d'haleine, furieuse, finit par y voir rouge. Saisissant les éventails, les cheveux en bataille, Irénée frappait fort avec la grâce d'un matador. Mais quelle mouche la piquée bégayait ainsi les Conchita qu'on tapait. Aïe aïe carambo, maman quel corrida, disait Liga qui ma foi n'en revenait pas d'assister à ceci, tout ça sans sourciller ses gardes. C'est donc en perdant la tête qu'Irénée fit la conquête de la population, mais surtout d'un certain Ramon, qu'on trouvait la très ludique. Oui, tu es le mal de ma vie. Elle en profita aussi pour avoir le mal du pays. Aïe, je voudrais t'en revoir, ma Vendée. Aïe, mon Ramon, ramène-moi d'ici, t'es un homme. Le pauvre gars, ma foi, n'eut pas le choix. Avec Irénée, franchit dans les Pyrénées. Et voilà qu'en Vendée, l'on se vante à tout va d'avoir tous les soirs de la semaine une corrida chez soi. Allez, remets ça, les gars. that was Paris Combo with Irénée, a little olé olé music. It was Spanish, and yet it was a French first name, Irénée. Well, it's time for us to say goodbye. Okay, au revoir, bonne semaine, à la semaine prochaine, merci. Bonne nuit, Louise, et merci. Bonne nuit. Alors, on a encore le temps. Oh, c'est une très vieille chanson, Delicado, Yvette Horner et son Musette Ensemble. Until next week, au revoir. Au revoir. Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, and on the web at kfai.org, radio without boundaries. Entre you and Balkan Jamboree.